وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes la huitième assise. Lucas, tout d'abord, bienvenue à vous, auditeurs et auditrices de Radio Mirat al-Anbiya. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio de la meilleure des récompenses. Et nous sommes dans la huitième assise, dans l'étude des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui est un sujet extrait des livres de l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Et parmi les fondements et les particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna et des Salafis en ce qui concerne l'établissement des preuves, c'est que ils n'utilisent que la sunna qui est dont l'authenticité a été établie. Et donc, ils ne s'occupent pas, ils n'ont pas d'importance aux versions de hadith qui sont faibles. Les hadiths da'ifs, ils ne les prennent pas en considération. Et comme nous allons avoir ces deux termes devant nous, le hadith da'if, le hadith hassan, on rappelle tout simplement pour le rappel que les hadiths da'ifs, ce sont les hadiths qui ne réunissent pas les caractéristiques du hadith sahih et du hadith hassan par la perte de certaines conditions ou de plusieurs conditions. Ils sont classés en plusieurs classes selon le degré de la faiblesse qu'il y a dans le hadith. Quant au hadith hassan, il désigne un hadith qui est mis en application, mais dont les conditions sont moins fortes que celles du hadith sahih. Et ce hadith hassan ne dissimule aucune anomalie. Et il est divisé en deux catégories. Donc, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna s'appuient et utilisent pour l'établissement de preuves les hadiths authentiques. Et pour apprendre ce qu'ils veulent apprendre, ils l'apprennent, ils le prennent directement du hadith authentique. Ils le prouvent directement et ils l'argumentent avec des hadiths authentiques. Et dans la confirmation de cette particularité de la salafia, Cheikh Rabi Hafidhahullah, dans sa réplique à Abu Radda et à Muhammad Awama, il dit: ما الذي دعاكما إلى الخوض في أمر لا تعرفانه ولا تدركان أبعاده؟ Et donc, dans cette réplique qu'il a fait à Abu Radda et à Mohamed Awama, qui prétendent que les imams utilisent les hadiths faibles, etc. Donc, Abu Radda, qui est le prof de Mohamed Awama, Cheikh Rabi leur a répliqué, il leur a dit: qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans un sujet que vous ne connaissez pas et que vous ne captez pas, et vous captez pas les limites de ce sujet. يقول حفظه الله ثم إن لشيخ الإسلام ابن تيمية أهدافا سامية منها بيان مناهج أهمة الإسلام في الاحتجاج بالسنة وتحريهم فيما يأخذون به في أبواب الدين من العقائد والحلال والحرام وأنهم لا يحتجون فيما يجب أو يستحب إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والحسنة ثم الرد على من يزعم أن الأئمة ومنهم الإمام أحمد يحتجون بالأحاديث الضعيفة في هذه الأبواب المهمة انتهى كلامه رحمه الله. Et donc, il cite ici des paroles du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, en disant que Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, avait du noble but quand il a donné des éclaircissements sur les voies des imams de l'Islam, c'est-à-dire sur la voie des hommes du hadith et des imams de la science du hadith, quand cela ils prennent comme argumentation la sunna et que cela, ils montrent, Cheikh l'Islam montre que ces grands imams étaient très vigilants dont les arguments qu'ils utilisent, ils ne prennent concernant la religion, que ce soit les croyances, que ce soit le licite ou l'illicite, hein, ils étaient très vigilants. Et en ce qui concerne ce qui est obligatoire, ce qui est surrogatoire, ils ne prennent que ce qui a été établi authentique de notre messager, alayhi salatu wassalam, ce qui a été établi en tant que hadith sahih ou en tant que hadith hassan. Et ils répliquent à ceux qui prétendent que les imams, ainsi qu'il fait partie de l'imam Ahmed, prennent comme argument des hadiths faibles au niveau des croyances, au niveau du halal et de l'illicite et l'illicite et au niveau de ce qui est obligatoire, ce qui est surrogatoire. Ici s'arrête la citation qu'a fait Cheikh Rabi' des paroles de Cheikh l'Islam. Et il a dit dans un autre endroit, « Mada yuridu Muhammad Awam wa Shaykhuhu Abu Ghadda min al-ilhah ala hadhi al-qadhiya taqdim l'imam Ahmed al-Hadith al-Da'if ala al-Qiyas. » Et il a dit, Hafidah Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, que veut Muhammad Awam ainsi que le Cheikh Abu Ghadda en insistant sur le fait, en insistant et en... fortement pour montrer et mettre en avant que l'imam Ahmed met en application le hadith par rapport au qiyas, par rapport à l'analogie. Et que l'imam Ahmed utilise le hadith faible et délaisse l'analogie. Ainsi prétend Muhammad Awama ainsi que son cheikh Abu Ghadda. يقول الشيخ ربيع إنهما يريدان توجيه ضربة قاسمة لمنهج الإمام أحمد ومذهبه وأن مذهبه يقوم لعله إلى حد بعيد على الأحاديث الضعيفة. الشيخ ربيع الدي سلا فول سيدي محمد عوام ainsi que son cheikh Abu Ghadda veulent donner un grand coup à la voix de l'imam Ahmed et à l'école de jurisprudence de l'imam Ahmed. Ils veulent prétendre que la voix de l'imam Ahmed s'est accomplie sur les hadiths faibles. À une certaine limite, dans une certaine dimension, elle s'est accomplie sur des hadiths faibles. يقول الشيخ ربيع وانا اسال الشيخين الكريمين من سبقكما الى جعل المنكر والمردود في القسم الثاني الضعيف المتوسط الضعف وأرجو الإجابة المقنعة ألا تعلمان أن المردود وما في مرتبته من الضعيف الشديد الضعف الذي لا ينجبر ولا يتقوى بحال ولا يجوز الاعتبار به فضلا عن الاحتجاج به وبناء الأحكام عليه عند علماء الإسلام على رأسهم أحمد Il dit حفظه الله Et moi je pose la question à ce noble cheikh, c'est-à-dire à Awama, Mohamed Awama et son cheikh Abu Ghadda. Qui vous a avancé au fait de mettre le blâmable et le rejeté dans la deuxième catégorie de hadith da'if qui est le hadith moyen. Da'if moyen, dont la faiblesse est moyenne. Yaqul, et je veux une réponse convaincante. Ne savez-vous pas que le rejeté et le mettre de côté est ce qui sont similaires ou ce qui est au même niveau que lui, dans lequel se trouve une faiblesse très forte, qui ne pourrait pas se rétablir et qui ne peut pas s'établir n'importe comment, il n'est pas permis de le prendre en considération et moins encore de le prendre comme argument et de baser les lois dessus. Et ça, chez les hommes de l'islam, c'est les hommes de science de l'islam et alors tête l'imam Ahmed. وقال حفظه الله وسدده نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. Et il a dit que Allah سبحانه وتعالى préserve. Et en le rapportant du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le Cheikh l'Islam a dit, personne parmi les imams de la science a dit qu'il est permis d'instaurer l'obligation d'une chose ou d'instaurer le fait qu'une chose est surrogatoire à partir d'un hadith faible. Et celui qui aurait dit ceci, il est en divergence avec le consensus. ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه لكن كان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع ذلك et toujours la citation est à l'imam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh où il est dit ni l'imam Ahmed ni si similaire parmi les grands imams ne prônaient comme argumentation dans la en ce qui concerne la législation les hadiths da'if. Abadan. Et celui qui ramène que l'imam Ahmed argumentait avec des hadiths da'if, faibles, ceci c'est pas vrai. L'imam Ahmed n'utilisait que du hadith sahih ou hasan. Il dit, celui qui dit le contraire, bah, il a commis une erreur. Mais ce qui était connu à l'époque de l'imam Ahmed, et avant, chez les autres hommes de science avant l'imam Ahmed, c'est que le hadith était divisé en deux sortes. Un hadith sahih, fort, et un hadith faible. Et le faible, pour eux, il était divisé en deux catégories. Un faible qu'il faut délaisser complètement, on ne peut pas le prendre comme argumentation. Et un qui est bon, un autre faible qui est hasan. Et les paroles sont toujours à Ibn Taymiyyah, il dit que la faiblesse de l'insan, la faiblesse de l'être humain, par une maladie divisée en deux. Une maladie qui est grave, et qui va interdire le fait que la personne donne toute sa fortune. Une autre maladie qui est plus faible, qui va pas l'interdire à le faire. يقول والكلام لشيخ الإسلام وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف وأبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم بالكذب وليس بشاذ. Et il dit rahmatullah alayh, les paroles sont à Ibn Taymiyyah, et le premier qui a été connu, qui a divisé le hadith en trois catégories chez Tirmidhi, Abu Isa Tirmidhi, dans son recueil Jami'. Et il a divisé le hadith en sahih, en hasan et en da'if. Il hasan pour Tirmidhi, c'est le hadith faible qui est rapporté par plusieurs voies de transmission, plusieurs chaînes, et que dans les transmetteurs, il n'y a pas un transmetteur qui est accusé de mensonge ou qui est marginal dans ce qu'il rapporte. يقول والكلام لشيخ الإسلام فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Et donc, le hadith, ce genre de hadith, dont la description est faite par Tirmidhi, ce genre de hadith est similaire, c'est ce qu'appelle Imam Ahmed un hadith ضعيف, et il le prend comme argumentation. C'est pour ça que l'imam Ahmed a donné comme exemple du hadith da'if qu'il prend comme argumentation le hadith de Amr ibn Shu'aib, parce qu'il fait partie de cette catégorie, et de Ibrahim al-Hajri, et d'autres hadiths. Et ceci est détaillé dans les chapitres qui concernent ce sujet. Ici s'arrêtent les paroles de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. قال الشيخ ربيع حفظه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام: هذا ما قاله شيخ الإسلام هنا وكلامه في سائر كتبه في معناه. فترى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله ينزه جميع أئمة الإسلام عن أن يثبتوا في دين الله شيئا واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. إيه شيخ ربيع حفظه الله dit qu'en montant les paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, dit voilà ce qu'a dit Cheikh l'Islam ici, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Et ces paroles, ce genre, ces paroles et le similaire de ces paroles et les paroles qui vont dans ce sens-là sont éparpillées dans les livres d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ce grand imam. Et il dit, Cheikh Rabi' dit que Cheikh l'Islam rejette le fait que les imams, que les hommes de science appuient ou argumentent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou instaurent quelque chose d'obligatoire ou de surrogatoire avec un hadith faible. يقول الشيخ ربيع أيسوء هذا أبو غدة ومحمد عوامة فيعز عليهما أن يكون هذا هو موقف أئمة الإسلام أم يصعب عليهما أن يكون هذا هو موقف أحمد. Et cher de dire, est-ce que maintenant ceci, est-ce que ceci fait du mal à Abu Ghadda et à Muhammad Awama et que ça leur est difficile que cette position, qui est le fait de mettre de côté le hadith faible, de ne pas argumenter avec, que cette position soit la position des hommes de science et des imams de l'islam? Ou alors, ça leur est difficile que ceci soit la position de l'imam Ahmed. يقول الشيخ ربيع نزى ابن تيمية مرة أخرى أئمة الإسلام بقوله ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. أي يشرق أبو غدة وتلميذه وأمثالهما من أهل الأهواء من هذا الكلام، فيريدون أن يكون لهم وضع آخر وواقع آخر كواقع الرافضة وغيرهم من فرق الضلال والجهل، أم يقصدون الإمام أحمد من بينهم أم ماذا يريدون؟ Et Cheikh Rabi' de dire encore une fois, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rejette le fait que les imams de l'Islam et les hommes de l'Islam s'appuient sur des hadiths faibles pour faire quelque chose obligatoire ou surrogatoire. Et il dit, rahimahullah, ni l'imam Ahmed, ni ses similaires parmi les imams, ne s'appuyaient et ne prenaient comme argumentation ce genre de hadith dans la législation d'Allah. Où va Abu Ghadda et son élève et ses similaires parmi les gens qui suivent leur passion avec leurs paroles? Qu'est-ce qu'ils veulent avec leurs parents, avec leurs paroles? Est-ce qu'ils prétendent? Est-ce qu'ils veulent qu'ils aient une autre situation? Comme la situation des Rawafid ou autres parmi les groupes de l'égarement et de l'ignorance? Ou alors, ils veulent montrer aux gens que l'imam Ahmed fait partie d'eux? Ou qu'est-ce qu'ils veulent? Qala Cheikh al-Islam, لكن كان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى حسن. فماذا يحب أبو غدة وعوامة وأمثالهما لأئمة الإسلام بما فيهم الإمام أحمد؟ أيريدون منهم أن يعتمدوا على الأحاديث المتروكة؟ فابن تيمية بيّن واقعهم ونظرتهم إلى المرويات، قسم منها ضعيف متروك ولا يحتجون به ولا كرامة، وقسم حسن أو في معنى الحسن فهذا يحتجون به. إيش شيخ ربيع دير حفظه الله كشيخ الإسلام أدي ce qui était connu à l'époque de l'imam Ahmed, et si les hommes de science avant l'imam Ahmed, que le hadith pour eux était divisé en deux catégories, le sahih et le da'if. Et le da'if pour eux était divisé en un da'if qui est à délaisser et ne pas prendre en considération et ne pas le prendre comme argument, et un qui est hassan, qui est à mettre en application et qui est à un degré plus élevé que ce faible délaissé. Et il dit, que veut? Que aimerait Abu Radda Uwama et leurs similaires? Qu'est-ce qu'ils veulent, des hommes de l'islam, des hommes de science de l'islam, et qu'est-ce qu'ils veulent de l'imam Ahmed, qui fait partie d'eux? Est-ce qu'ils veulent que les hommes de science de l'islam prennent comme argumentation les hadiths faibles à délaisser? Et il dit, Hafidhahullah, Ibn Taymiyyah a montré la situation et la vision de ces grands imams concernant ces hadiths, hein, concernant les hadiths, que ils ont une catégorie de faibles qui est à délaisser, ils ne la prennent pas en argumentation, il n'y a pas de gêne à avoir. Et aussi qu'il y a un faible qui est un degré plus élevé, qui est le hassan, et celui-là, ils le prennent en considération et ils le prennent comme argument. يقول شيخ ربيع أفيما نسبه ابن تيمية ما يرفع مكانتهم وبين منزلتهم في الدين وحلاصتهم له أم فيه تنقص لهم يوجب معارضة ابن تيمية ومحاولة النيل منه والإساءة إليه أفيما قاله الإمام ابن تيمية منكر كلا ثم كلا ليس في كلامه ما يوجب الاعتراض ولا المعارضة فهذا والله ما نظنه في علماء الإسلام. Il dit, Hafidhahullah, Cheikh Rabi, est-ce que dans ce qui a été, dans les paroles qui ont été attribuées à Ibn Taymiyyah, il y a la parole qui élève la place des hommes de science du hadith et que montre la bonne place qu'ils ont dans la religion et la bonne place qu'ils ont pour surveiller, pour garder la religion, hein, et pour protéger la religion, ou ceci, dans les paroles de Ibn Taymiyyah, est-ce que dans les paroles de Ibn Taymiyyah, il y a une diminution de ces hommes de science? Une diminution, est-ce que dans les paroles de Ibn Taymiyyah, il y a une diminution des hommes de science, de ces hommes de science, qui permet ou qui fait qu'obligatoire qu'on s'oppose à Ibn Taymiyyah, ou qu'on essaye de rabaisser Ibn Taymiyyah, ou de le négliger, ou de le critiquer? Yaqul, est-ce que dans les paroles de Ibn Taymiyyah, il y a quelque chose de blâmable? Et Cheikh Rabi, il répond, non et non. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas une parole de Ibn Taymiyyah qui implique qu'il faut s'opposer à lui. Il dit, et par Allah, ça c'est ce que nous croyons concernant les hommes de science de l'islam. يقول وإذا قال ابن تيمية وابن القيم إن الأئمة يحتجون بالضعيف فإنما يريدون بالضعيف ما يسمى بالحسن الذي اصطلح عليه الترمذي هذا منهجهم ولا نرضى منهم إلا ذلك وقد أرضونا وشرفونا ورفعوا هاماتنا فوق السحاب فرضي الله عنهم وأرضاهم ورفعوا هاماتنا فوق السحاب فرضي الله عنهم وارضاهم. Et le Cheikh Rabi' de dire, et c'est Ibn Taymiyyah maintenant, ainsi que Ibn al-Qayyim, disent que les imams, c'est-à-dire les imams de la science, prennent comme argument le hadith faible. Ils veulent dire par ça, le hadith faible qui est appelé Hassan, qui est appelé dans la terminologie de Tirmidhi, le hadith Hassan. Et il dit, Hafidhahullah, ça c'est leur voix, et on accepte d'eux que ça. Et ils nous ont honorés, et ils nous ont élevés vers le ciel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Il fait partie aussi des fondements et des particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Qui leur donne une certaine particularité par rapport aux gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, c'est qu'ils donnent l'importance au texte de la législation, au texte qui sont la parole d'Allah, l'authentique de la sunna, et ils mettent ces textes au devant d'eux, la parole de qui que ce soit. Peu importe la personne et la valeur de la personne, la parole d'Allah et la parole du messager passent avant. Et dans la confirmation de ce fondement salafi, l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah ramène des paroles avec lesquelles il a anéanti les ambiguïtés de Muhammad Sidqi. Hada, c'est un égyptien qui a la tendance du Qur'anite. Ce Muhammad Sidqi qui ramène des ambiguïtés concernant la sunna. Qala rahimahullah, ulama al-islam, وعلى رأسهم أئمة الفقه والحديث متفقون على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الأخذ بها في دينهم ودنياهم وأنها الأصل الثاني مع كتاب الله وعلى أنها حجة في دين الله أصوله وفروعه. شيخ ربيع حفظه الله تعالى دير que les hommes de science de l'islam et à leur tête les grands imams de la jurisprudence et du hadith sont unanimes sur le fait de donner l'importance à la sunna du messager alayhi salam. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de la prendre dans leur religion et dans leur bas monde, de l'utiliser concernant leur religion et concernant leur bas monde. Et qu'ils sont unanimes que c'est la deuxième base et la deuxième fondation avec le livre d'Allah. Et que la sunna, c'est une preuve dans la religion d'Allah, que ce soit concernant les fondements, concernant les branches de cette religion. ثم قال وأنهما من إمام لا حث أتباعه على التمسك بالكتاب والسنة ودعاهم إلى ترك أقواله إذا خالفت الكتاب والسنة. وقد سبق أن ذكرنا أقوالهم في هذا الشأن، ومن ذلك قول الإمام الشافعي المشهور عنه عند أصحابه وغيرهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. إيه il dit, rahimahullah, chaque imam parmi les grands imams de la science et de la religion, chacun d'eux a incité et a orienté ses disciples vers le fait de se cramponner au livre et à la sunna. Et il les a appelés à délaisser ses paroles quand ses paroles sont en divergence avec le livre et la sunna. Et il dit, auparavant, nous avons cité certaines de leurs paroles concernant ce point. Il dit, fait partie de ça, les paroles de l'imam Shafi'i, sa parole réputée chez ses compagnons et chez d'autres, où il disait, quand le hadith il est authentique, c'est ma voix. Quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Et aussi sa parole, quand il a dit, quand ma parole est en divergence avec la parole du messager alayhi salam, prenez la parole du messager alayhi salam et claquer ma parole contre le mur. وقد خالف كثير من اصحاب اقواله التي خالفت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عندهم من حديثه. Et beaucoup de disciples et de compagnons de Imam Shafi'i rahimahullah ont pris une voie qui est en divergence avec leur imam concernant les paroles de l'imam Shafi'i qui étaient en divergence avec ce qui a été rapporté authentiquement du messager alayhi salam. Ils ont délaissé les paroles de l'imam Shafi'i et ils ont mis en avant le hadith authentique du messager alayhi salam. Parce que c'est ça la voix de l'imam. Hein? L'importance à la sunna avant. Wa nasa'ihu Abi Hanifa rahimahullah li ashabihi fil akhd bi qawlillah wa qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam بل بأقوال الصحابة معروف، ومن هنا خالفه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في ثلثي أو ثلثي المذهب، وما ذلك منهما إلا اتباعا للحق وتقديما منهما لما صح لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي واجتهاد شيخهما. Et aussi, dit Cheikh Rabi', les conseils d'Abu Hanifa, rahimahullah, les conseils qu'il a donnés à ses disciples et à ses compagnons, quand il leur a conseillé le fait de mettre en application, de prendre la parole d'Allah et de la mettre, et de la parole du messager, alayhi salam. Et il leur a conseillé de prendre les paroles, hein, des nobles compagnons réputés, connus. Et partant de là, ces deux grands compagnons et disciples de l'imam Shafi'i, Abu Yusuf, ainsi que Muhammad ibn al-Hassan, ont pris une autre voie. Ils étaient en divergence avec Abu Hanifa dans le tiers ou les deux tiers de son école. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la vérité. Ils ont mis la vérité au devant de l'opinion et des efforts d'interprétation de leur cheikh, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Ils ont mis en avant ce qui leur a été rapporté authentiquement du messager, alayhi salam, et c'est ce qu'il leur a conseillé Abu Hanifa, rahimahullah. قال الشيخ ربيع حفظه الله إنما يحصل من بعضهم من مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المنطلق الذي يرجف به أداء السنة حاشاهم من ذلك فهم يعظمون السنة ويؤمنون بها وأنها حجة من حجج الله على عباده ولا يقع لأحد منهم مخالفة لحديث ثابت إلا لعذر من الأعذار الشرعية التي يعذره الله بها إلى أن قال الشيخ ربيع حفظه الله وقولك أي يا محمد صدقي وأي ثقة بها فثقون إيه اللي حفظه الله تعالى سكي تغيبي à certains imams d'être en divergence avec le hadith du messager alayhi salam, leur divergence n'émane pas du fait, n'émane pas du fait que de la position qu'ont les ennemis de la sunna. Ils sont au-dessus de ça, ils donnent l'importance à la sunna, ces grands imams. Ils, ces grands imams n'agissent pas comme les ennemis de la sunna. Quand ils sont en divergence avec le hadith du prophète, au contraire, ils estiment la sunna comme il se doit, et ils y croient, et ils croient que c'est une preuve parmi les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne parmi eux ne tombe, et les personnes parmi eux, quand ils tombent dans une divergence par rapport à un hadith établi, c'est pour une excuse, parmi les excuses légiférées, avec laquelle il va être pardonné par Allah Azza wa Jal. Donc les imams et les hommes de science ne vont pas chercher à être volontairement en divergence avec la sunna. Abadan, abadan. Ils n'agissent pas comme les ennemis de la sunna. Et c'est pour ça que Cheikh Rabi' a dit à Muhammad Sidqi Hada, quand Muhammad Sidqi a dit, et quelle confiance vous pouvez avoir dans la sunna. قال الشيخ ربيع وقولك أي محمد صدقي وأي ثقة بها تثقون نقول إن ثقة المسلمين فوق ما يخطر ببالك وبال أمثالك إن ثقتهم بها مثل ثقتهم بالقرآن ومثل ثقتهم بالرسول الكريم ويحبونها إلى درجة الإيثار على الأبناء والآباء ويوالون ويعادون من أجلها يوالون الأبعدين نسبا إن احترموها ويعادون أقرب الأقربين إن هم نالوا من كرامتها. Il dit, répliquant à cette parole de Muhammad Sidqi, dans laquelle il a dit « Quelle confiance pouvait avoir en la sunna ?» Il lui dit « La confiance du musulman, la confiance qu'ont les musulmans dans la sunna dépasse ce qui peut effleurer ton esprit, dépasse ce qui peut effleurer ton esprit, toi et tes similaires. » Et il lui dit « Leur confiance dans la sunna, elle est comme la confiance qu'ils ont dans le Coran. » Et comme la confiance qu'ils ont dans le noble messager, alayhi salam. Et ils aiment la sunna à tel point qu'ils la préfèrent à leurs enfants, à leurs parents. Ils s'allient pour la sunna et ils disent à vous pour la sunna. Ils s'allient avec les lointains qui ne font pas partie de leur famille. Ils les respectent. Et ils disent à vous les proches quand les proches ne respectent pas la sunna. يقول لقد أهان عبد الله بن عمر ابنه وهجره من أجل حديث واحد وهجر عبد الله بن أبي أوفى ابن أخيه من أجل حديث واحد وشك أحد وجوه قريش في حديث واحد في مجلس الرشيد رحمه الله فغضب الرشيد وقال النطع والسيف زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه Cheikh Rabi' de Cité, il dit, Abdullah ibn Omar a rabaissé et a rabaissé son fils, et il l'a mis à la quarantaine à cause d'un seul hadith. Et Abdullah ibn Abi Awfa a délaissé, a mis à la quarantaine le fils de son frère à cause d'un hadith. Il y a un noble parmi les nobles de Quraysh a eu un doute sur un seul hadith dans l'assise de Rashid, Harun Rashid, et Rashid, Harun Rashid s'est mis en colère. Et il a dit, il faut l'allonger et lui couper la tête, c'est un zindir, qu'il critique le hadith du prophète alayhi salam. Et donc, à cette époque, ils utilisaient un tapis pour allonger celui à qui ils vont couper la tête. C'est pour ça, il a dit nata. C'est ce tapis en cuir qu'ils mettaient pour, le mettre dessus avant, pour lui couper la tête. Et il a dit, c'est un zindiq. Et zindiq, Allah al-Musta'an, rasa, sa signification, c'est hypocrite. Et il a dit, zindiq, il critique. Il dénigre le hadith du messager alayhi salatu wa salam. يقول الشيخ ربيع فكيف لو رأى الرشيد وسمع مثل هذه الطعون والشبهات الخبيثة والاستهانة بعموم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية بها إلى درجة أنه لا فائدة ترجى منها والدعوة إلى إسقاط كل ثقة بها فأين سيف ونطع الرشيد عن أمثال محمد توفيق المجاهرين بالحرب على سنة محمد صلى الله عليه وسلم والمعلنين للطعن فيها والاستهانة والسخرية بها Il dit, Cheikh Rabi' de dire, c'est Harun Rashid a vu et a entendu le genre de critique et de dénigrement et des ambiguïtés impures que subit la sunna en général et comment on se moque de la sunna à tel point que certains ont dit il n'y a pas de bien à tirer de la sunna, il n'y a pas un bien à espérer de la sunna ni un bien à espérer dans le fait d'appeler vers la sunna. Et ils essayent par tous les moyens de faire tomber les dînes de cette sunna. Où est l'épée et où est le tapis de cuir d'Al Rashid pour y poser les similaires de Mohamed Tawfiq qui déclare haut et fort la guerre à la sunna de Mohamed alayhi salam et qui dénigre haut et fort et qui se moque de la sunna du prophète alayhi salam. Mohamed Tawfiq, c'est le même, c'est Mohamed Sidqi. Mohamed Tawfiq Sidqi. وقال حفظه الله مبينا تعظيم السلف للكتاب والسنة وتقديمهما على آرائهم واجتهاداتهم في سياق تفنيده كذلك لشبهات المارق محمد صدقي إلى دي حفظك الله سبحانه وتعالى لبخزاف منطخون كمو السلف استيمي لسنة إلى غرندر دو الاستيم que السلف دوني au livre et à la sunna et comment il mettait en avant Le livre et la sunna, ils les mettaient en avant, au-devant leurs interprétations et au-devant leurs opinions. Et il a ramené tout ceci dans le contexte d'anéantir les ambiguïtés de Mohamed Sidqi al-Mariq. Qala Mohamed Sidqi, وقال أبو حنيفة وأضرابه من أهل الرأي والقياس إن الصحيح منها قليل جدا حتى إنه لم يأخذ إلا ببضعة عشر حديثا. والجواب يقول الشيخ ربيع: أين قال هذا أبو حنيفة وأضرابه؟ وهل عندك أسانيد متواترة إلى هؤلاء؟ وهل استقرأت كتب الأحناف كلها فلم تجدها قائمة في كل أبواب الفقه إلا على بضعة عشر حديثا؟ إيه محمد صدقي دي كأبو حنيفة سي سيميلير parmi les gens de l'école de l'opinion et de l'analogie, on dit que l'authentique de la sunna, que ce qui est authentique de la sunna n'est pas, c'est peu, c'est pas beaucoup, que ça ne concerne quelques dizaines de hadiths. Bid'a 10 hadith, 13 ou 14 hadiths ainsi. Ainsi a prétendu ce Mohamed Sadqi. La réponse lui dit Cheikh Rabi' ou Abu Hanifa et ses similaires ont dit ceci. Est-ce que tu as une chaîne de transmission? Hein? Est-ce que tu as des chaînes de transmission qui remontent à cela? Est-ce que tu as lu tous les livres des Ahnaf et que tu as trouvé que dans les chapitres de l'Fiqh qui n'utilisent que une dizaine de hadiths, 13 ou 14 hadiths? يقول الشيخ ربيع: إن أبا حنيفة كان يحث أتباعه على اتباع السنة، فمن أقواله رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. ومنها: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. الشيخ ربيع دو دير وغيبليك سو مارق سيخت أبو حنيفة انسيتي يورينتي سي ديسيبل لسويفر لسنة فيه بارتي دو سي بارول كلا سبحانه وتعالى لكوفر دو سنت ميزيروكورد كونت الحديث est authentique, c'est ma voix. Fait partie de ses paroles, de ses conseils, de ses orientations, il n'est pas permis à quelqu'un de prendre notre parole sans savoir d'où nous l'avons prise, c'est-à-dire sans savoir nos preuves. Et dans une autre version, il est illicite à celui qui ne connaît pas mes preuves de faire le verdict avec mes paroles, de faire des fatwas avec mes paroles. Et fait partie aussi de ses paroles, quand je dis quelque chose, la parole est à Abu Hanifa. Quand je dis une parole qui est en divergence avec le livre et avec le hadith du messager alayhi salam, délaissez ma parole. Yaqulu al-Sheikh Rabi' وعلى عرف وهو يتكلم عن محمد صدقي هذا وهل عرف هذا الرجل مؤلفات الأحناف في السنة مثل موطأ محمد بن الحسن وشرح معاني الآثار في أربعة أجزاء ومشكل الآثار في 16 مجلدا كلاهما للطحاوي ونصب الراية للزيلغي في تخريج أحاديث الهداية في أربعة أجزاء فهؤلاء هم أضراب أبي حنيفة وهذه مواقفهم من السنة. نعم لهم عثرات وليسوا كأهل الحديث وفقهائهم ولكن أصلهم الكتاب والسنة ويحترمونها ويعظمونها ويدافعون عنها إلى يومنا هذا وقد تصدوا لأمثالك من القرآنيين وغيرهم فهم منك ومن أمثالك براء وأنتم بريئون منهم ومن كل من يحترم السنة والقرآن. Il dit حفظه الله تعالى parlant de محمد صدقي هذا. Est-ce que cet homme a connu les livres écrits par l'Ahnaf concernant la Sunna comme Muwatta de Muhammad ibn al-Hassan et comme l'interprétation des sens des hadiths dans, en quatre tomes et comme Mushkil Athar l'ambigu des hadiths en 16 tomes tous ce sont de Tahawi et comme Nasb al-Raya du Zaylari dans lequel il a sorti les hadiths du Hidaya en quatre tomes ceux-là qui sont cités ici par Cheikh, ce sont les similaires d'Abu Hanifa. Et ça, c'est leur position vis-à-vis de la sunna. Certes, ils ont des erreurs. Ils ne sont pas comme les gens du hadith et comme les jurisprudences du hadith, les jurisconsultes du hadith. Mais les fondements de cela, c'est le livre et la sunna, et ils respectent, ils estiment la sunna, ils la respectent, ils la défendent jusqu'à nos jours. Et ils se sont attaqués à des similaires parmi le Qur'aniyoun, parmi les Qur'anites et autres. Ceux-là, les similaires d'Abu Hanifa, sont innocents de toi et de tes similaires. Et vous êtes innocents d'eux. Ils vous disent à vous, ainsi vous désavouez, et vous aussi vous les désavouez. Et ces gens-là disent à vous et se disent à vous de tout un chacun qui ne respecte pas la sunna et le Qur'an. قال محمد صدقي قال مالك رحمه الله إن عمل أهل المدينة مقدم عليها وكذلك أهل الرأي والقياس يقدمون القياس الجلي عليها والجواب أن الإمام مالك إمام أهل السنة عقيدة ومنهجا ومن أشد الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظا للمسلمين على الأخذ بها فمن أقواله رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Et répliquant à une 9e ambiguïté de Mohamed Sidqi, ce Mohamed Sidqi a dit que l'imam Malik rahimahullah a dit que les actes des gens de Médine sont à mettre en avant par rapport à la sunna. Il dit ceci aussi, il dit par ceux de l'école de l'opinion et ceux et de l'analogie. Ils mettent l'analogie claire au devant de la sunna. Et la réponse, dit Cheikh Rabi' l'imam Malik, c'est l'imam des gens de la sunna, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de la aqida, et il était parmi les gens qui tenaient très fortement à la sunna du prophète alayhi salam et à la mettre en application, et inciter les musulmans à mettre en application la sunna du prophète alayhi salam. Fait partie des paroles de l'imam Malik, je ne suis qu'un être humain, je fais des erreurs comme je touche le vrai. Regardez dans mon opinion, toute opinion qui correspond et qui est conforme au livre et à la sunna, prenez-la. Et tout ce qui est en divergence et qui n'est pas conforme au livre et à la sunna, délaissez-le. يقول ومنها ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تشد إليه الرحال من أنحاء العالم الإسلامي من الأندلس إلى خراسان لأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et fait partie aussi des paroles de l'imam Malik. Plus personne après tous ceux qui sont venus après le prophète alayhi salam, on prend de leurs paroles et on délaisse, sauf le prophète alayhi salam. C'est-à-dire, on va prendre de leurs paroles ce qui est conforme à la sunna et on va délaisser ce qui ne l'est pas. Et les étudiants de sciences et les demandeurs de sciences et ceux qui voulaient des questions faisaient des voyages du monde musulman vers Médine pour prendre la sunna du prophète alayhi salam de l'imam Malik et pour prendre la science de l'imam Malik. Il venait de Khorasan, il venait d'Andalousie, de partout pour aller apprendre chez l'imam Malik. وكان من أشد الناس تحريا في أخذ السنة والأخذ عن الرجال ومن أشد أئمة السنة في نقد الرجال حتى أنه لا يحدث عن رجال عرفوا بالصدق والصلاح. الإمام مالك ذي الشيخ ربيع faisait partie de ces gens qui étaient très vigilants dans le fait de prendre la sunna et dans le fait de prendre des transmetteurs de la sunna. Il était très vigilant. Et il faisait partie des imams les plus vigilants de la critique des hommes, à tel point que des hommes véridiques, qui étaient connus par leur véracité et leur bien et leur bonne conduite, il n'a pas cité leur hadith. Tout ceci parce qu'il était très vigilant. Radiallahu anhu wa rahimah. يقول الشيخ ربيع وتقديمه لعمل أهل المدينة ليس فيه رد للسنة ولا الطعن في أخبار الآحاد وإنما هو من باب ترجيح سنة على سنة لأن أهل المدينة في نظره أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم تمسكا بها لأنها دار الهجرة ودار الخلافة الراشدة وأهلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فليس الأخذ بعملهم من باب تقديم الرأي على السنة حاشا وكلا وإنما هو تقديم لعمل يراه قام على الكتاب والسنة والترجيح عند تعارض النصوص في الظاهر أصل من أصول أهل السنة ومع هذا فقد خالف مالكا علماء مثل الليث والشافعي وأحمد وأتباعهم وأبي حنيفة وأتباعه وقد يقدم العالم مالك وغيره سنة العالم مالك وغيره سنة على سنة ترجحت له وقد يقع في مخالفة سنة أو نص من القرآن لعذر يعذره الله به ولا يجوز لمسلم أن يتعم أحدا من هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالتقوى والعلم وتعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على التمسك بهما بأنهم يردون السنة لهوى من الأهواء إيلدي حفظه الله كنت الإمام مالك رحمه الله مئون أفو لزوفغ des gens de Médine. Ceci de la part de l'imam Malik, ce n'est pas un dénigrement de la sunna, ce n'est pas un rejet du hadith ahad, et ce, tout simplement ceci, c'est le fait de mettre une sunna en avant par rapport à une autre. Il dit parce que pour l'imam Malik, les gens de Médine, pour l'imam Malik, étaient les gens qui connaissaient au mieux le hadith du messager alayhi salam. Et étaient les gens qui étaient le plus cramponnés à la sunna du messager alayhi salam. Car Médine était la demeure de la hijra, était la demeure de la khilafa. Et les gens de Médine étaient les compagnons de Muhammad alayhi salam et de ceux qui les suivent à la perfection. Et le fait de mettre, de prendre leur science, et le fait de prendre leur science, la science des gens de Médine, ou leur opposition, ou leur opinion, c'est pas mettre l'opinion au devant de la sunna, abadan. Mais c'est tout simplement mettre en avant un acte que l'imam Malik voit que cet acte il est conforme au livre et à la sunna. Et le fait de mettre une opinion au devant d'une autre, quand deux textes s'opposent, dont l'apparence s'oppose, ceci est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Et avec tout ça, des hommes de science ont été en divergence avec l'imam Malik, comme Layth, et comme Shafi'i, comme l'imam Ahmed, leur disciple, Abu Hanifa et ses disciples. Et des fois, l'homme de science, Malik ou autre, mettra une sunna en avant par rapport à une sunna, parce que lui paraît que cette sunna est plus forte que l'autre, et que c'est elle qu'il faut mettre en avant. Et il peut tomber dans une divergence avec la sunna ou avec un texte du Coran pour une excuse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, pour une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il l'excuse. Et il dit rahimahullah, c'est-à-dire Cheikh Rabi', il n'est pas permis aux musulmans d'accuser quelqu'un parmi ces grands imams qui ont été connus par leur piété, par leur science, par le fait qu'ils estimaient la sunna, le livre et la sunna comme il se doit, par le fait qu'ils orientaient les gens à se cramponner au livre et à la sunna, et il n'est pas permis à quelqu'un de les accuser comme quoi ils rejettent la sunna avec les passions, et qu'ils rejettent la sunna avec passion. وقال حفظه الله في سياق تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال هذه الطائفة عرفت كما عرف أسلافها عظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة السنة، عرفت كما عرف أسلاف عظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة السنة وما فيها من الهدى، ما يكفي ويشفي ويغني عن أقوال الناس وعن آرائهم وعن أهوائهم، فاعتصموا بحبل الله وعضوا على ذلك بالنواجد. إيه شيخ ربيع عديك الله سبحانه وتعالى بريزيرف كي لو غريس كي لا لون سافي دون سون اوبيسونس. Il a dit, dans le contexte où il commente le hadith du prophète alayhi salam, restera une fraction de ma communauté sur la vérité, mettant en avant la vérité et apparant avec la vérité. Il dit, cette fraction a connu, comme ont connu ses aïeux, la grandeur et l'importance de cette religion. Ils ont connu la grandeur du Coran et l'importance du Coran. Ils ont connu la grandeur de la sunna et l'importance de la sunna. Et ils ont connu la guidance qui est contenue dans le Coran et dans la sunna. Et que la guidance qu'il y a dans le Coran et dans la sunna est suffisante. Et il enrichit, hein, celui qui s'y cramponne. Et celui qui prend ce qu'il y a dans le Coran et de la sunna n'a pas besoin des paroles des gens. N'a pas besoin de leur opinion. N'a pas besoin de leur passion. Ainsi, ils se sont cramponnés à l'once d'Allah et ils ont mordu dessus avec leurs molaires. وقال سدده الله فمن هم أهل الحديث إذن. هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجد وتقديمهما على كل قول وهدى إلى أن قال فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها وعظموها حق تعظيمها، فقدموها على أقوال الناس جميعا وقدموا هديها على هدي الناس جميعا. Et il a dit, rahimahullah, wa ghafara lah, wa askanahu fasiha jannatih, wa atala umurahu fi ta'atihi. Quels sont les gens du hadith donc? C'est qui les gens du hadith? Et il répond, hafidhahullah, ce sont ceux qui ont pris la voie des nobles compagnons et de leurs successeurs à la perfection. Dans le fait de se cramponner au livre et à la sunna, et de mordre dessus avec les molaires, et de mettre le livre et la sunna au devant de toute parole, jusqu'à ce qu'il a dit, rahimahullah, wa hafidhahu wa matta'abih, et ils ont estimé les textes du Coran et de la sunna comme il se doit, et ils ont donné la valeur, la grande valeur, qui sied à la sunna et au Coran. Ils ont mis le Coran et la sunna au devant de la parole des gens, au devant de la parole de tous les gens. Et ils ont mis en avant les guidances qu'il y a dans le Coran et la sunna au devant, et les voix qu'il y a dans le Coran et de la sunna au devant des voix des gens. Et il nous montre, Havidahullahu Ta'ala, comment, dans ce dernier passage avec lequel on va terminer cette assise, il nous montre avec clarté la valeur que donnaient les pieux prédicateurs d'Allah Alim au livre et à la sunna. Et comment ils tenaient fortement à argumenter avec les textes légiférés du livre de la sunna. قال حفظه الله والصحابة كانوا يعرفون قيمة هذه السنة ويعرفون مكانتها ويغضبون إذا عرضت على شخص وتردد في تطبيقها. Il dit, les nobles compagnons connaissaient la valeur de la sunna. Ils connaissaient la grande place de la sunna. Il se mettait en colère contre un individu à qui on expose une sunna et qui hésite à la mettre en application. يقول فهذا عبد الله بن المغفل في مجلس من المجالس رأى أحد أقاربه ابن أخيه يخذف يأخذ حصى فيخذف بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو ولكنه يفقأ العين يفقأ العين ويكسر السن أخرجه مسلم فإذا به يعود يخذف فقال له أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف والله لا أكلمك. Il dit, Havidahullah, il donne un exemple rapporté par l'imam muslim. L'exemple d'Abdullah ibn al-Mughaffal. Dans une assise, il a vu l'un de ses proches lancer des pierres. D'une façon, le khadf, c'est le fait de prendre une pierre, de la coller à son index, de plier l'index vers l'arrière et de lâcher. Et la pierre se lance. Hein? Et il a vu le fils, un de ses proches, le fils de son frère, le faire, lancer la pierre ainsi. Et il lui a dit, le messager d'Allah a interdit de lancer les pierres ainsi. Et le messager a dit, parce que lancer la pierre ainsi ne tue pas le gibier et ne casse pas et n'anéantit pas l'ennemi, mais tout simplement il va crever l'œil ou il va casser la dent. Il lui a dit ceci, et après il l'a revu, lancer les pierres. Il lui a dit, il l'a revu une autre fois, refaire la même chose qu'il lui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il lui a dit, je te dis que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le khadf, et tu le fais. Par Allah, je te parle plus. Par Allah, je te parle plus. يقول الشيخ حفظه الله الآن كثير من طلاب العلم تقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرفع بذلك رأسا مع الأسف الشديد. Il dit, de nos jours beaucoup de demandeurs de science, tu leur dis Allah a dit, Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, ils ne prêtent pas attention malheureusement et avec grand regret. يقول كان الصحابة يعرفون قيمة الحديث. يكون الصحابي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يضبطه ضبطا صحيحا كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفكر ويذكر من شارك في سماع هذا الحديث فيتذكر أن له صديقا في الشام وفي مصر قد شاركه في هذا الحديث فيشتري البعير ويشد الرحال في شدة الحر والظمأ ويذهب يسافر يضرب أكباد الإبل مسافة شهر أو أكثر ويأتي إلى هذا الشخص الذي يعتقد أنه شاركه في سماع هذا الحديث فيستأذنه فيخرج فيعانقه أول شيء يطلبه منه أن يسمع منه هذا الحديث فإذا سمع منه هذا الحديث لوى عنق راحلته وعاد إلى المدينة. هذا حصل لجابر بن عبد الله وأبي أيوب الأنصار رضي الله عنهما. أبو أيوب رحل إلى مصر وجابر رحل إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم أجمعين. إلى حفظه الله لنوبل كومباني وكونيسي la valeur et la place du hadith. Le compagnon avait entendu le hadith du messager alayhi salam. Il voulait le maîtriser d'une bonne maîtrise et de l'avoir et d'avoir sa mémorisation comme il l'a entendu du prophète alayhi salam. Il pense, il réfléchit. Qui a écouté ce hadith au même temps que lui? Il se rappelle qu'il a un ami qui se trouve maintenant au nord de l'Arabie Hacham, ou en Égypte, qui était là au moment où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Il achète un chameau, il prend le chemin en plein canicule, il voyage, hein, en faisant crever sa monture, hein, dans le voyage, en la faisant, hein, galoper, Ah, et non pas la crever en la faisant galoper, lui faire des efforts intenses à sa bête, le voyage d'un mois ou de plus, et quand il arrive chez la personne qu'il croit qu'il a écouté le hadith au même temps que lui, chez le prophète alayhi salam, et lui fait la, quand il le rencontre, il lui fait la collade, la première des choses qu'il lui demande, c'est de le faire écouter le hadith qu'ils ont entendu ensemble. Et tout de suite après, il fait tourner les rênes de sa monture et il revient vers Médine. Ceci est arrivé à Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu arda. Il est arrivé à Abu Ayyub al-Ansari, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Abu Ayyub est allé en Égypte. Jabir est allé au Sham, au nord de l'Arabie, vers Abdullah ibn Unais, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. يقول الشيخ ربيع هذا انطلاقا منهم من مكانة السنة في صدورهم وإكرام وإعزاز وإجلال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit ceci, tu prouves comment ils donnaient l'importance à la sunna et quelle valeur avait la sunna dans leur cœur, comment ils honoraient la sunna et comment ils donnaient l'importance à la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. يقول واليوم قد يسمع الرجل بالدرس أو المحاضرة فيقول موضوع تافه وهذه الرحلة رحلة رحلة ضياع. Il dit au de nos jours, l'homme peut entendre qu'il y a un cours quelque part, une conférence quelque part, il va dire ce sujet est futile, ce voyage est futile pour aller écouter ce cours ou cette conférence. يقول لكن الصحابة ما كانوا ينظرون هكذا ولا الأئمة السابقون ما كانوا ينظرون بهذا المنظار إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان الرجل منهم يرى حديثا واحدا خيرا من الدنيا وما عليها كان الحديث الواحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم خيرا من الدنيا وما عليها. إيه اللي حفظه الله تعالى ملي نوبل كومبانيور والله علمنا في باس فيزيون دو لا سيتوياسيون. Et il dit aussi les grands imams qui ont suivi la voie des nobles compagnons, avaient la même vision de la sunna que les nobles compagnons. Certains parmi ces grands imams voyaient qu'un hadith, un seul hadith est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Un seul hadith pour eux parmi les hadiths du messager alayhi salam est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Et nous arrêtons là aujourd'hui, Inch'Allah. As-Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, qu'il nous donne à nous tous la compréhension de la sunna du prophète alayhi salam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science, de nos hommes de science. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de Cheikh Rabi' et des autres hommes de science comme Cheikh Obeid, Cheikh Mohamed ibn Hadi et Cheikh Farkouz, Cheikh Zahar Sniqra, Cheikh Abdelmjid Jum'a et d'autres mashayikh, de la voie salafie qui allonge leur vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils nous fassent profiter de leur science, qu'ils fassent que nous soyons parmi ces gens qui écoutent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu lakum jazakumullahu khairan.